Et acceptons la différence avec la Belgique. Voici Guillaume Guise. On va loin. Ça va les amigos? Hier matin, j'étais devant ma douche, comme ça j'étais là, j'y vais pas. Je me disais qu'est-ce qu'il aurait fait Daniel dans cette situation. Donc je suis retourné dans le salon avec mon caleçon de la semaine et mon amour de la négligence. Et là, je suis allé sur le site de France Info. Devinette, vous savez ce qui est bien sur France Info? C'est qu'il y a plein d'infos. Voilà, jamais déçu. Eh bien, c'est la technique de la charcuterie en fait. Qui tu croises dans une charcuterie? De la charcuterie. Voilà, donc ça prend personne en traître évidemment. C'est écrit-tu? Mais voilà, évidemment, c'est pas que t'arrives dans la charcuterie, tu dis ah putain, t'as vu, ils ont des gambas, c'est toi, ils vendent des jogging. Enfin non, voilà, c'est de la charcuterie. Donc c'est pareil avec France Info, sur leur site il n'y a pas une boule de geisha tu vois, ou une fiole de poppers. Pardon. En tout cas tant que Leïla sera pas rédactrice. France Info, c'est gratuit ça. C'est pas faux. Et c'est fou. C'était dur aujourd'hui pour Leïla. France Info, ils sont en fond sur le don d'info. Sauf qu'hier, en sus, leur site proposait une espèce d'application qui te permettait quoi? De danser le Mia? Pas du tout. Bien essayé. Non, et qui te permettait de calculer le nombre d'heures que t'avais passé dans ta vie à regarder des séries télé. Exactement, c'est stylé, non? Franchement, depuis que Jean-Michel Apathy s'est barré sur Europe 1, soi-disant parce qu'il avait envie d'un salaire ou je sais pas quoi, ils se sont sortis les doigts, hein, ils se sont sortis les doigts, France Info. C'est fini l'époque où ils invitaient Jean Lassalle pour un oui ou pour un non, là, tu vois, qui disaient ouais, alors monsieur Jean Lassalle, quelle est votre position sur le sida? Enfin voilà, donc. Avant, c'était n'importe quoi, France Info. Bref. Cette application, elle collait hyper bien à l'actualité chaude, évidemment, des séries, puisque comme vous le savez, ça fait quasi 17 ans jour pour jour qu'est sorti le fameux épisode 4 de la saison 11 de Julie Lescaut, qui était effectivement l'épisode où tout le monde était là « What ?» Vous vous rappelez pas? Non. Mais si, c'était quand il y avait l'inspecteur Motta, à un moment, il avait eu un doute. Non plus. Mais Julie Lescaut l'a fait là, ne touchez pas à ma scène de crime. Non, oh, putain, vous rappelez pas. Vous n'êtes pas passionné par les séries, c'est ça votre problème. Vraiment, moi j'étais critique série pendant 6 ans. Vous savez pas ça? Non, c'est vrai. Vous le saviez pas. Vous savez pourquoi? Parce que nos rapports, ça a toujours été bonjour, au revoir, Ernesto, vas-y, tu veux pas me prêter un rein, passe-moi ton crunch et tout. Il y a jamais eu un truc de. Tu vois, je vous ai toujours là comme ça. Oui, tu dis encore une fois que la France a gagné la Coupe du Monde, que c'était pas mérité, on te renvoie sous le seuil de pauvreté, etc. Donc voilà, forcément, vous savez rien de moi. Vous savez rien de moi. Regardez, it's all in the game, regardez. It's all in the game. En hommage à Omar dans The Wire, vraiment, et sur le cul, j'ai cordé un jour, cordé toujours. Vraiment, parce que j'oublie pas, je l'oublie pas, moi. On va préciser que tu parles de tes tatouages. Je parle de mon tatouage, oui, c'est vrai que c'est pas très radio. Ouais. Donc, autant dire, j'étais tout excité à l'idée de calculer le temps total que j'ai passé à regarder des séries dans ma vie. Et bien, bout à bout, c'est 7 mois de ma vie. C'est énorme, hein, c'est le temps de gestation d'un prématuré, quand même. J'ai converti ça en heures, ça fait 5000 heures. C'est le temps de gestation d'une question de Nagui. Je pense de Laurent Deutsch, en l'occurrence. 5000 heures de ma vie à regarder des séries, ça m'a donné envie de crever dans une margarine. Vraiment. Et puis j'ai réfléchi. J'ai quasi 37 ans. Ça fait 324 000 heures. Ça veut dire que c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. 324 000 heures de ça, tout soustrait plus ou moins 100 000 heures de sommeil, entre 12 et 16 000 heures de masturbation, plus ou moins 10 000 heures à écrire mes chroniques, 2000 à écrire celle de Tanguy Pastureau. Et il reste vraiment. Il reste 200 000 heures disponibles pour ma télésérie. J'en ai utilisé que 5000. En fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'ai fait du reste de mon temps? Comment ça se fait que j'ai pas genre au moins deux chroniques ici, tu vois, ou ne fût-ce qu'une famille ou un truc comme ça? Vraiment, on se demande avant qu'est-ce que j'ai foutu de ma vie, quoi. Finalement, elle m'a putain de déprimé, cette application. Je conseille à France Info de rester sur son core business, l'info. Allez, bonne émission, les amis. Merci, Guillaume. Bravo. Bravo. Avec Nagui.